Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'accueil qui fut réservé à La Règle du jeu, sortie en juillet 1939, fut d'une telle violence que Jean Renoir envisagea alors soit de renoncer au cinéma, soit de quitter la France. Un peu plus d'un an plus tard, en plein exode, il quittait en effet l'Hexagone pour les États-Unis, où il vécut une dizaine d'années et tourna 5 films. En 1960, sur les ondes de la radiodiffusion française, il confiait à Hélène Tournaire quelques-uns des souvenirs de cette vie de l'autre côté de l'Atlantique. Dans le premier volet d'une série de 7 entretiens, il évoquait les circonstances de son départ, son arrivée à New York et l'accueil que lui réserva son ami, le cinéaste Robert Flaherty. Une émission diffusée pour la première fois sur France 3 National le 3 mai 1960. Voyage et rencontre de Jean Renoir. Entretien promenade entre Jean Renoir et Hélène Tournaire. Aujourd'hui, les États-Unis. Réalisation Gérard Herzog. Jean Renoir, nous allons donc parler de votre vie et de vos rencontres en Amérique. À quelle date se situe votre premier voyage en Amérique? En 1940. Dans quelles conditions êtes-vous parti? Eh bien, j'étais en France, j'avais pu quitter Paris, et même dans des conditions pas trop désagréables, ce qu'on a appelé l'exode. Mais pendant cet exode, mes amis Cézanne et moi-même, nous étions partis ensemble, nous n'avons été bombardés que 4 ou 5 fois par des Italiens. Les Italiens avaient la manie de voler au ras du sol et de lâcher des bombes sur les gens. C'était assez désagréable. Mais les bombes tombaient en général à côté. Il n'y a pas eu de dégâts. Il y a eu juste un pont soufflé, je me rappelle. Il ressemblait à un chat qui faisait le gros dos. Mais en grimpant, on arrivait à passer tout de même avec la voiture. Nous sommes arrivés dans le midi. Dans le midi, j'ai rencontré des gens très gentils, pleins de bonnes intentions, qui m'ont transmis des œuvres extrêmement flatteuse des occupants. On me proposait de faire des films comme je le voulais, les films que j'aimerais faire. On me demandait si je n'avais pas de vieux rêves non réalisés. Et on savait que j'avais quelques idées techniques quant à la fabrication des films. On me laissait même entrevoir que je pourrais peut-être participer à la construction de studios qui eussent été des studios bâtis plus ou moins suivant mes conceptions. Alors, j'ai pensé qu'il valait mieux m'abstenir, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, j'ai reçu une convocation du consulat américain de Nice et on m'a fait savoir que si je voulais aller en Amérique, j'y serais le bienvenu. Alors, comme les offres flatteuses devenaient plus pressantes, j'ai pensé que peut-être il valait mieux aller en Amérique. Votre fils Alain avait fait la guerre en France. Aviez-vous pu le retrouver? Oui, n'est-ce pas? Il était parti dès le début. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti dès le début parce qu'il était trop jeune. Il n'avait pas 18 ans et il ne pouvait s'engager qu'à l'âge de 18 ans. Cela lui a permis d'ailleurs de terminer un film, commencé. Il était assistant opérateur. Alors ça lui a permis de terminer un film, commencé par des opérateurs plus âgés que lui, de le terminer à la satisfaction de tout le monde, de sorte que pendant longtemps, j'ai cru qu'il serait opérateur de cinéma, ce qui n'est pas arrivé, mais je vous dirai comment plus tard, n'est-ce pas? Et mon fils il a été encerclé par les Allemands, il a pu s'en tirer, il a pu gagner Bordeaux, où il a été démobilisé. Et puis, ce n'est pas à Bordeaux, c'est dans une autre ville du sud-ouest. Et puis alors, il voulait s'engager dans les forces libres. Et pour faciliter cette entreprise, j'ai pensé que l'offre du gouvernement américain de me rendre en Amérique arrivait à pic et que je pourrais me rendre là-bas, le faire venir et que là, il pourrait s'engager et continuer à combattre, ce qui était son désir le plus cher. Donc votre fils Alain vous a rejoint à Marseille, mais avez-vous un souvenir particulier de votre dernière journée ou de votre dernière nuit à Marseille? Oui, non, c'est-à-dire que mon fils Alain ne m'a pas rejoint tout de suite. Mon fils Alain, j'ai eu un visa pour aller en Amérique, mon fils Alain n'en a pas eu un tout de suite, et il m'a rejoint un an plus tard. Il m'a rejoint, il a pu aller au Maroc, où il a fait du cinématographe d'actualité. Ma dernière journée à Marseille est assez curieuse, parce que, enfin, la présence d'uniforme gris sur le sol français ne m'était pas agréable. Alors, je tournais le dos, je regardais ailleurs, et il se trouve que, la dernière nuit que j'ai passée en France, c'était dans un hôtel à Marseille, je crois que c'était exactement à l'hôtel Terminus, et je me suis trouvé dans le couloir, nez à nez, avec deux officiers allemands, deux officiers bien sanglés dans leur uniforme. Ils étaient très militaires, très, très raides, très propres, très, et très élégants en même temps, très bien. Et c'était deux femmes. Et alors ces deux femmes se sont installées dans une chambre, à côté de la chambre où j'ai essayé de dormir, mais je n'ai pas pu très bien dormir parce que ces deux dames ont eu des conversations, assez particulières pendant toute la nuit, assez bruyantes. Voilà mon dernier souvenir de l'armée nazie. Et quand vous vous êtes embarqué, vous êtes parti de Marseille, vous êtes parti en bateau, quel est votre dernier souvenir des côtes de France? Ah ben ce sont les collines blanches, n'est-ce pas, qui entourent Marseille, c'est invraisemblable, c'est comme un rêve, n'est-ce pas? On est dans une ville quelquefois assez grise à Marseille, quelquefois assez rose, enfin en général assez colorée, et puis on monte dans un bateau, on navigue pendant une demi-heure, et on a devant les yeux un panorama absolument blanc, absolument... remarquez, ces collines probablement sont de la craie, ça doit en être la raison, mais ça n'a pas l'air de craie, ça a l'air de nuages, ça a l'air d'un rêve, ça a l'air peut-être de quelque chose d'un peu céleste. On comprend très bien que nos ancêtres aient situé le débarquement des Saintes Femmes dans cette région. Un peu plus à l'ouest, mais dans la région. Oh oui, elles ont bien dû passer par Marseille, vous ne croyez pas? Sûrement. Mais vous êtes allé directement en Espagne? Non, pas du tout. Non, je ne suis pas allé en Espagne, pour des raisons qui me sont particulières. Non, je suis allé au Portugal. Je suis allé au Maroc, et puis au Portugal, à Lisbonne. Alors ma femme était avec moi, et ma femme est de langue portugaise. Alors nous avons été très bien reçus par des quantités d'amis, nous avons pu jouir de Lisbonne. Voilà, nous devions prendre l'avion. Vous savez, le fameux Clipper qui volait à peu près à 25 mètres au-dessus de l'eau. Oui, le célèbre. En rasant, n'est-ce pas? En rasant presque la cime des vagues. Et puis, il s'est trouvé que, je ne sais pas, je crois que le gouvernement allemand avait donné, ou plutôt l'état-major allemand à Paris, avait donné des ordres à mon égard, et je n'arrivais pas à quitter Lisbonne, je n'arrivais pas à trouver de place. Puis un beau jour, il s'est trouvé que j'ai pu partir dans un bateau. Mais mon souvenir de Lisbonne est un souvenir remarquable, évidemment à cause de Lisbonne et des Portugais, mais aussi à cause d'un camarade de fuite, qui s'en allait à peu près pour les mêmes raisons que moi. C'était Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, nous nous sommes trouvés là, dans un coin de rue, nez à nez, n'est-ce pas? Et nous avons passé ces quelques jours à Lisbonne ensemble. À dire vrai, nous avions un rêve. Nous aurions voulu aller à Londres. C'était l'époque des Blitz, l'époque des grands bombardements de Londres, et tout de même, nous aurions voulu voir ce que c'était. Et puis, on nous avait presque promis au consulat anglais de nous permettre de monter dans un avion, et on nous donnait 48 heures de permission dans un Londres bombardé. Et puis, on n'a pas pu. Finalement, on ne nous a pas laissé y aller. Alors, le départ du bateau est arrivé, nous sommes allés en Amérique. Vous avez pris un bateau américain? Oui, un bateau américain qui était fait normalement pour des touristes peu pressés, vous savez, des croisières, un tout petit bateau très gentil, et qui était chargé à craquer, n'est-ce pas, des migrants, il y en avait partout, sur le pont, sous les mâts, dans les cales, n'est-ce pas. C'était vraiment l'image de l'émigration. Il y avait beaucoup d'Israélites qui, mon Dieu, qui cherchaient à fuir l'Europe, et qui se réunissaient sur le pont, et qui jouaient de l'accordéon en chantant des complaintes en allemand. C'était assez émouvant. Mais je crois que Saint-Exupéry ne parlait pas du tout l'anglais. Moi non plus. Ma femme parlait l'anglais, heureusement, fort bien. Alors elle nous traduisait tout, n'est-ce pas? Nous avions beaucoup de mal à nous faire comprendre. Et Saint-Exupéry prenait des rages folles. Saint-Exupéry émettait l'opinion que tout le monde devrait parler français, que c'est inconcevable qu'on ne parle pas français. Et il a toujours d'ailleurs refusé d'apprendre une autre langue. Il disait, avec juste raison, que quand on écrit, il faut s'ancrer dans une seule langue. Il disait avec beaucoup de modestie, j'ai déjà bien du mal à formuler ma pensée en français. Si en plus je dois la formuler en anglais, alors là je serai perdu, je ne ferai plus rien de bon. Enfin, quoi qu'il en soit, il ne parlait pas l'anglais, et je me rappelle un jour, par exemple, où il est entré dans une rage folle. Il n'arrivait pas à voir ce qu'il voulait. Et il était tellement en colère qu'il n'arrivait pas à dire quoi, même en français. Enfin, finalement, ma femme et moi avons réussi à lui faire formuler son désir. Il voulait simplement du thé. Alors ma femme lui a dit, eh bien, thé se dit ti. Et il a dit ti, pourquoi ti? Mais il a eu son thé. Il a eu son thé. Quand vous êtes arrivé à New York, est-ce que quelqu'un vous attendait? Ah oui, parce que, voilà, en arrivant à New York, j'ai appris une chose, c'est que cette invitation aimable de me donner un visa du gouvernement américain venait de mon ami Flaherty. Robert Flaherty, le metteur en scène. Oui, le grand auteur de films, qui avait parlé de moi là-bas, enfin, aux gens officiels qui s'occupent des passeports et des visas, et qui avaient fait remarquer que, enfin, probablement, enfin, je risquais d'être ennuyé en restant en France avec les occupants. Alors, c'est grâce à lui, n'est-ce pas, que j'arrivais en Amérique, il m'attendait sur le quai, et il avait l'air extrêmement préoccupé. Mais comment est Flaherty? Voudriez-vous nous tracer un portrait physique de Flaherty? Eh bien, Flaherty, c'était une force de la nature. C'était un homme assez corpulent, au teint extrêmement coloré, aux cheveux gris absolument fous, au regard bleu extrêmement clair, n'est-ce pas? Et passant sa vie dans des enthousiasmes complets ou dans des désespoirs complets. C'est un homme qui n'a jamais vécu dans le repos, dans le repos mental. Il était ou tout à fait en haut, ou tout à fait en bas. Et il était surtout dans l'état d'enthousiasme, constamment. Il croyait à la vie, il croyait au monde, il croyait à la nature. D'ailleurs, on le voit dans ses films, n'est-ce pas? Oui, Louisiana Story est admirable. Louisiana Story est admirable. Puis, pensez un peu, Nanook, n'est-ce pas? D'ailleurs, la façon dont il a fait Nanook est invraisemblable. Remarquez qu'il n'a pas commencé comme metteur en scène, comme auteur de films. Flaherty a commencé sa vie comme pionnier, comme explorateur. Il y a d'ailleurs une île dans le Grand Nord qui porte son nom, l'île Flaherty, une île qu'il a découverte. Et comment est-il devenu auteur de films? Eh bien, il avait très envie de fixer sur la pellicule les êtres admirables qu'il voyait, qu'il jugeait, qu'il aimait, n'est-ce pas? Et ça a commencé par les Esquimaux. Il avait envie de montrer les Esquimaux au reste du monde, il les aimait. Il voulait que le reste du monde les aime aussi. Alors, il a cherché des capitaux pour acheter l'équipement nécessaire pour tourner Nanook. Et finalement, enfin, personne ne s'y intéressait. Finalement, c'est Révillon qui s'est intéressé au film. Le fourreur. La maison Révillon a des comptoirs, ou avait en tout cas à cette époque-là, et je crois les a encore, des comptoirs dans le Grand Nord. Et alors, ils ont pensé qu'un film sur la vie des Esquimaux serait peut-être une bonne publicité pour eux. Enfin, en tout cas, ils ont permis à Flaherty de réaliser un chef-d'œuvre. Et à cause de cela, je leur en suis très reconnaissant. Mais je vous disais qu'il était inquiet à mon arrivée sur le quai. Il était très inquiet. Je me demandais pourquoi. Vous savez, l'arrivée à New York, c'est une chose très impressionnante. Surtout quand vous êtes sur un bateau d'émigrés. Je pensais à Charlot émigré, vous vous rappelez, et la Statue de la Liberté, n'est-ce très pas? Très bien. Et les grands coups de pied dans le derrière qui l'accueillent. Alors, je pensais à ça, n'est-ce pas? Et puis, c'est très beau, l'arrivée à New York. Ça ressemble à un Claude Monet. Très souvent, le ciel est un peu rose et les maisons, les gratte-ciel se perdent un peu dans cette brume rose. C'est un peu comme un rêve, c'est extraordinaire. C'est comme un bateau, New York. C'est une île, n'est-ce pas? Une île plate avec des grandes masses. Je vous dis dans les roses, surtout. Et puis alors, il y a cette grande entrée de la rivière, de Hudson River, de l'East River, avec des bateaux qui vont, qui viennent, qui sifflent, qui font du bruit, n'est-ce pas? Des bruits de machines, des grues, n'est-ce pas? C'est un spectacle très extraordinaire. Alors, ce spectacle m'impressionnait beaucoup, et on m'avait beaucoup raconté que si on n'a pas tous ses papiers en règle, quand on arrive en Amérique, eh bien, on vous met dans une île qui s'appelle Ellis Island, n'est-ce pas? Par exemple, si on n'a pas ses certificats de vaccination, n'est-ce pas? Alors, on vous met là, et on vous vaccine, et on vous examine médicalement, et on vous met, en somme, en quarantaine. Alors, je me voyais pour 40 jours dans une petite île, enfermée, n'est-ce pas? Une île dont la réputation était douteuse. Et je craignais qu'il y eût quelque chose en voyant le sourcil froncé de Flaherty. Vous n'étiez pas vacciné, ni votre femme Didot, ni Saint-Exupéry. Nous étions vaccinés, mais j'avais un chapeau à la mode française. C'est-à-dire un chapeau qui, à cette époque-là, avait des tout petits bords. Et Flaherty avait un chapeau à la mode américaine, c'est-à-dire avec de très grands bords. Et mon chapeau lui semblait ridicule. Et c'est ça qui le gênait. Aussi s'est-il précipité sur moi et m'a dit « Écoutez, Jean, vous ne pouvez pas garder ça, c'est grotesque. » Il a pris mon chapeau, il l'a acheté dans le port et il m'a donné le sien. Vous n'avez pas eu d'ennui avec les douaniers? Au contraire, le douanier sur lequel je suis tombé était un connaisseur en peinture. Il a lu mon nom sur des objets qui se trouvaient dans ma valise et il m'a demandé si j'étais parent du peintre et il m'a posé des questions extrêmement techniques sur le tableau qui s'appelle « Les canotiers » qui est au musée de Washington. Bien que douanier à New York, il m'a expliqué qu'il allait souvent à Washington pour voir ce tableau. Et alors, il y avait des choses qui le préoccupaient. Il trouvait que le tableau rendait un sens de l'extérieur, de la nature, de l'air, de l'atmosphère, extrêmement précis. Et il voulait savoir si le tableau avait vraiment été peint dehors, sur nature complètement, ou en atelier avec des modèles. Alors je lui ai raconté ce que je savais du tableau, à savoir qu'il avait été peint très largement, d'une façon presque complète, sur nature, que mon père allait souvent dans ce petit restaurant Fournaise, au bord de la Seine, où venaient des camarades à lui, des jeunes gens de Paris, et des jeunes femmes, des ouvrières, des actrices, des femmes de toute catégorie, n'est-ce pas? Maupassant d'ailleurs a décrit l'endroit aussi, et que tous ces gens-là étaient des camarades, très gentils, très simples, et que ça n'ennuyait pas trop de poser, et que mon père les faisait poser. Il y a d'ailleurs ma mère qui est dans le tableau, ce qui l'a beaucoup intéressé. Et je lui ai raconté, je lui ai donné tous les détails que je pouvais lui donner, et j'ai insisté sur le fait que le tableau avait tout de même été terminé, ou tout au moins contrôlé en atelier. C'est-à-dire que mon père passait de temps en temps dans une chambre du restaurant Fournaise, qui lui servait d'atelier, puis ressortait dehors, de façon à avoir l'impression de la nature directe et l'impression de la transposition plus tard en atelier. Et ces détails l'ont beaucoup intéressé, il n'a pas trop regardé mes affaires et j'ai pu rentrer assez facilement. Mais je crois que c'est assez répandu le goût de la peinture en Amérique chez des gens d'une condition, ou de même condition en France, on ne s'intéresse pas tellement. Vous me parliez, Jean Renoir, d'une marchande de légumes de Los Angeles qui aimait la peinture. Oui, non, mais remarquez qu'en France aussi, n'est-ce pas, le goût de la peinture s'est répandu d'une façon fantastique, n'est-ce pas? Les Français, pratiquement, n'aimaient pas la peinture pendant le 19e siècle. Ils se sont bien rattrapés depuis. Mais je crois que le monde entier s'est rattrapé depuis, parce qu'en Amérique également, il y a un goût pour la peinture qui est absolument fantastique. Et les reproductions de toiles, enfin de bonnes toiles, ou de bonnes œuvres, sont très courantes. C'est assez rare, par exemple dans les universités, d'entrer dans une chambre d'étudiants sans voir des reproductions soit de Manet, soit de Van Gogh, soit de Picasso, enfin de peintres, en général français, de l'école moderne. Vous me parlez d'une marchande de légumes, en effet, c'est une chose qui m'a beaucoup touché. Nous allions au marché ensemble avec ma femme à Los Angeles très souvent. Et dans ce marché, il y avait une fille qui est une paysanne qui cultive les salades et qui les vend au marché. Et elle a remarqué notre nom parce qu'on lui donnait l'adresse de notre adresse pour se faire expédier quelque chose, se faire livrer quelque chose. Elle nous a dit « Vous n'êtes pas des parents du peintre ?» On a dit que si. Alors elle est devenue extrêmement émue. Et nous sommes tombés encore sur un amateur de peinture absolument forcené. Mais alors elle nous a dit « Moi naturellement je peux pas acheter de toile de grand maître parce que je gagne pas beaucoup d'argent, mais j'ai une collection de jeunes peintres. Je fais collection de jeunes peintres et je suis très content parce que j'ai une très belle collection. » Et elle nous a invités à aller la voir, mais nous n'avons jamais trouvé l'occasion. Et outre votre père Renoir, quel était le peintre français ou vivant en France qui était le peintre favori de votre marchand de légumes spécialiste des salades? Ah, c'était Van Gogh. C'était Van Gogh, mais remarquez que le goût de Van Gogh, l'amour de Van Gogh est très fort en Amérique. Van Gogh est un peintre qui touche énormément la sensibilité américaine. Je crois que chez les jeunes gens, notamment, ce sont probablement les reproductions de Van Gogh qui sont les plus populaires et qu'on trouve un peu partout. De sorte que l'on peut dire que si l'on a tourné un film sur Van Gogh en Amérique, on a suivi la foule plus qu'on a... Ah oui, c'est absolument, n'est-ce pas? Si Metro a décidé un jour de tourner un film sur Van Gogh, c'est simplement parce que cette compagnie connaissait la popularité de Van Gogh et pensait que Van Gogh serait dans un bon commerce. Mais je crois qu'après cette incursion dans la salade et la culture, nous allons, si vous le voulez bien, pour notre prochain entretien, nous retrouver sur le quai de New York avec vous, Jean Renoir, votre femme Lido, Saint-Exupéry et Flaherty. Ah oui. C'était « Voyage et rencontre de Jean Renoir ». Entretien promenade entre Jean Renoir et Hélène Tourdaire. Aujourd'hui, les États-Unis. Réalisation Gérard Herzog. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 3 mai 1960. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Tears. Where have I been all these years? Little one, tell me now, how long has this been going on? There were chills up my spine, there were thrills I can't define. Listen, sweet, I repeat, how long has this been going on? Oh, I feel that I could cry into heaven, I'm hurt. I know how Columbus fell, finding another world. Kiss me once, then once more. What a dunce I was before. What a break, for heaven's sake. How long has this been going on? What a break, for heaven's sake.